Tu montais à cheval de bois blanc et moi, je t'admirais. Tu disais qu'on pouvait en courant rattraper le soleil au couchant et moi, je te croyais. Je m'en vais pour longtemps et moi je pleurais. Je t'aimais.